spécial, un amour de FM. Passé de 30 minutes, bienvenue à tous et à toutes, si vous prenez l'écoute, voici donc avec Nicolas pendant quelques heures avec les chansons, tout simplement variétés différentes. Juste un instant, Marc Lavoine. Voilà donc, ben, je vous souhaite de passer bon après-midi à ma compagnie avec, comme je l'ai dit, plusieurs chansons différentes. Voilà donc, ben, je vous laisse tout simplement avec Julien Clerc, avec Mélissa, et puis juste après lui, on écoutera une des chansons tout simplement qui s'appelle Master 4G. Bonne après-midi à vous tous et à vous toutes. Individu, film noir et blanc. les gens. Écrivez bien entendu, y a jamais d'argent. Écris c'est du temps perdu, personne ne l'entend. La police est tout dévendue, disant qu'elle a non. Mélissa Médis se dit Bissa a toujours sa vertu. et à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. All night.

Ça va même pas se voir, ça restera entre nous. Ou juste un léger retard. Sur terre, encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une force. Que le temps, les horloges se repensent et caresser. Juste un baiser, un baiser. Encore un soir. Un soir.

imbéciles, ils s'amusent bien, ils tombent jamais dans les pièges, ils se laissent pas étourdir par les néons des manèges, ils vivent sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre. Avec les Libre Max. Et puis juste maintenant, on écoutera quelques morceaux d'accordéon. Arc-en-ciel, un amour de la femme. C'est aussi ça. spécial, un amour de la femme. Voici donc que je laisse avec Lily Harmony avec Dans son regard, et puis juste après Lionel Richie All Along. Let the music take control. We're going to party, time, fiesta, forever. Come on and sing my song. S'appelle bien Don Quichotte avec le magazine 60. Oh, Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Ouais, non, bah, je vous laisse avec des chansons différentes. Voici donc le medley. Puis juste après, deux chansons différentes pour Véro. Le promis, c'est Claude François et Céline Dion. Just let it go, let it go. Yeah.

est près de toi, faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Oui, mais comme maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres seuls de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et si c'est ton âge, mon enfant? François, voici Courage avec Céline Dion et après ça sera Johnny Clen en duo. I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. Cause in the echo of my voice I hear your words just like you're there. I still come home from a long day. So much to talk about, so much to say. Don't you dare still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe, thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then, in conversations that will never end. Courage, don't you dare fail me now. I need you to give away the doubt. You're up, you're up, you're up, you're up. arc-en-ciel, un amour de FM. Baby Alice avec Pina Colonna Loi. Et puis juste après elle, on écoutera tout simplement Cookie Dingler, Femme Libérée. Et puis juste après, Dépêche Mode. Cher, le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Il lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas vous tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas vous tomber, elle est si fragile. Yeah. It's a lot. You like my life. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. You like my life. Arc-en-ciel, un amour de FM. que je vous laisse avec le groupe Snap. So come on out tonight, and we'll Give me the night. après cette chanson, je vous laisse avec un medley, puis juste après, Céline Dion. Can't Céline Dion, et puis juste après, on écoutera FR David. S'éternel au jour de grand soleil, aux instants d'or et de lumière, au silence des âmes, au nom du qui s'enflamme, au feu complice des lunes claires. Yeah.

arc-en-ciel, un amour de FM. Voilà, donc on va faire un petit tour du côté du Darcy Dancing. après tout simplement, après Jumbo Jumbo, je vous laisse avec tout simplement Daniel Briand. Son titre s'appelle Daniel Briand, Quand je vois tes yeux. Et juste après, Franck Miquel. Le titre s'appelle tout simplement Les femmes qu'on aime. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Mais tu as tant de charme sur mon âme, car je suis sans âme lorsque tu es là. Je voudrais le dire, je voudrais l'écrire, mais je n'ose pas te parler de ça. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Et quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Et quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Tu fais des sont toutes belles, douces ou bien cruelles, elles ont le pouvoir de leur beauté. Le corps nous enchaîne et elle nous emmène dans des paradis de volupté. Pour aujourd'hui ainsi que pour demain, donc à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver donc Christophe avec Ulrich Schock demain, mercredi, à partir de 7h jusqu'à 9h avec Francky, suivi de Victor avec Portugal Festa entre 9h jusqu'à midi, et puis juste après l'après-midi, 14h, 16h avec non. Oui, c'est ça, 16h, avec Gloria, juste à partir de 18h jusqu'à 19h30 avec Violette. Et puis vous suivrez avec tout simplement jusqu'à 21h avec Christina. Voilà donc pour les émissions de cela. Voici donc, eh bien, je vous laisse tout simplement avec Immigrant. Et puis, suivi de Hathaway, son titre s'appelle Rock My Heart. Arc-en-ciel, un amour de FM. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, go. places. Put on the heads to the city sun. Joanna, give them the fancy morning hall to tempt anyone who comes. She even knows how to swing opinion in every magazine and the journal. For every bad move that is Joanna make, they got a good explanation.